Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. On va parler de football, évidemment. On continue notre tournée des équipes de la région qui vont débuter leur saison en fin de semaine dans la Ligue collégiale 3A. Et hier, on a parlé avec Nick Menacci. Lundi, on a parlé avec François Laberge. Et là, maintenant, on s'en va du côté d'Alma, parler avec Jean-Philippe Caron-Tremblay. Salut, Jean-Philippe. Salut. Jean-Philippe, avant de commencer, j'ai parlé avec Frédéric Monja. Il y a un drame terrible qui secoue actuellement les Lynx d'Alma. Les Lynx et les Janois, c'est pas mal main dans la main. En fait, vous travaillez, il y a une synergie entre les deux équipes. As-tu connu Steve Melançon? Oui, c'est certain que ça a été un gros choc là, pour la communauté du football. Je pense que malgré qu'il était plus du côté des Lynx, moi je coach là, ça fait plusieurs années. On était en lien. Un super bon gars qui faisait une très bonne job avec les jeunes, avec nous, il était tout le temps avec nous autres. Donc c'est certain que c'est un événement assez difficile à prendre pour tout le monde. Je savais pas que c'était un gars de Girardville, c'était un gars qui était natif de Girardville, donc du coin, du secteur. Oui, exactement. Ben, je le savais pas non plus, à vrai dire. Mm. Moi, je l'ai toujours connu à Alma, là, puis là, je l'ai su là, cette semaine. OK. Dis-moi, question niaiseuse. J'ai oublié de la poser à Nick et à François, puis je vais te la poser. Es-tu un gamer? Plus ou moins. Là, Madden, avec le football, là, j'ai moins le temps. Madden, tu connais ça? Oui, je connais ça. Est-ce que ça peut aider un jeune à comprendre le football et les cahiers de jeu et ainsi de suite? Moi, je pense que pour un jeune qui n'a vraiment pas de football, là, ça peut être bon. Là. Oui, c'est sûr que quelqu'un qui commence là, vraiment au début, ça peut lui donner des petites bases. C'est sûr que ça reste que c'est pas vraiment les mêmes règlements. Là. Ouais. Le Maiden, c'est américain, à 11 joueurs, nous on joue à 12 joueurs. Mais oui, ça reste quand même que ça peut donner un petit coup de main là, à quelqu'un qui veut commencer. OK, donc c'est ça que je voulais savoir, parce que quelque part, le playbook est tellement compliqué. Ça peut être tellement compliqué à Madden, ça peut aider certainement. Là. Tu sais, c'est cool. Oui, absolument. OK. Allez, on va parler des Janois. La première question que j'ai envie de te poser, l'an dernier, le problème, c'était la profondeur. Il y a des joueurs qui jouent en offensive, qui jouent maintenant en défensive et vice-versa. Et ça, en première demi, l'équipe était dans le match. Mais sauf qu'en deuxième demi, écoute, là, les gars étaient complètement sur le carreau et ainsi de suite. As-tu amélioré ça pour cette année? Ben, je te dirais que c'est plutôt positif. Là. Moi, j'entends mon premier match à 37 joueurs là, ah, c'est bon. En fin de semaine. Donc, je pense que moi, ça fait un an là, complet que je fais ici. Donc, je pense que le bilan est plutôt positif. J'ai aucun gars là, que j'ai recruté vraiment dans l'école. Donc, c'est tout le recrutement que j'ai fait là, dans le Québec puis en France aussi. Là. OK. Dis-moi, du côté des Janois, évidemment... Beaucoup de... C'était le programme policier, la technique policière aidait beaucoup au recrutement. Puis je pense, depuis quelques années, vous avez plus l'exclusivité, c'est ce qui nuit, hein? Est-ce que je me trompe à dire ça? Ouais, ben je sais pas s'ils ont déjà eu l'exclusivité, mais je sais que moi c'est assez difficile de mon côté. Peu importe, là, si on travaille fort pour faire du recrutement, là, autre que ça, mais je pourrais dire que si je comptais là-dessus, là, ça serait très difficile pour moi là, d'avoir une équipe. Là. Parce que ça a déjà été une force, les Janois. Là. Et puis, probablement que c'est probablement que c'est... Évidemment, il y avait deux équipes dans le temps. Là. Il y en a trois. Ça nuit aussi. Là. Ouais, ben moi, quand je jouais, là, il y avait près de la moitié de l'équipe qui était en technique policière. Mais les mentalités ont changé un petit peu. Là. Je sais que ceux qui sont en technique policière veulent moins aller dans le football pour être sûr de ne pas se blesser pour leur carrière et tout. Là. Donc, moi, j'ai un peu de misère avec ça. Là. Je pense que si tu veux être policier, il faut que tu sois en forme. Si tu fais un sport, ben, ça peut être bon pour toi. Mais je me rendu là, c'est ça. C'est un petit peu les mentalités qui ont changé. Puis c'est sûr que ben il y a de la compétition de plus en plus là, au niveau de pour rentrer dans le programme de technique policière. Donc tu vois, cette année, là, j'en ai pas vraiment. Là. J'en ai un de l'an passé, puis c'est tout là, en technique policière. Là. Écoute, J'ai lu la gang de Champrière, très bon article d'ailleurs, si vous voulez connaître. On va essayer de lui parler demain, la gang de Champrière. C'est probablement le seul site internet au Québec qui suit un petit peu les activités du football collégial, puis je m'en cache pas. Ça m'a aidé à faire l'entrevue d'aujourd'hui. Semble-t-il que Jean-Philippe Cordero est le joueur clé des Janois. Et moi, ce qui me fait dire qu'il est un joueur clé, c'est qu'il est déjà commis, c'est le mot exact pour le recrutement, avec le Rouge et Or. Si le Rouge et Or vient le chercher, j'imagine que c'est un joueur de grand talent. Oui, ben c'est sûr que pour nous, ça va être... premièrement, c'est notre leader au niveau de la chambre. C'est un gars qui prend beaucoup de place et qui met beaucoup d'efforts, qui fait tous les petits détails, donc... Pour nous, ça va être un bon leader. Puis sur le terrain aussi, là, c'est un carrière de dernière année, de troisième année, qui fait des bonnes choses. Je dirais, là, je pense que pour nous, ça va être un point très fort. Là. OK. La ligne à l'attaque, du côté de la ligne à l'attaque, c'est sûr que tu vas cliquer beaucoup sur Mathias Boulian Adams. Écoute, c'est de la parenté à moi, fait que je suis très bien plugué. Donc j'imagine qu'il va être un pilier également sur du côté de la ligne à l'attaque. Oui, exactement. C'est sûr que. Adams va faire une grosse job pour nous. On en a Laurent aussi, qui va être en quatrième année, un centre offensif. On a Tommy Dupéré, qui joue à la ligne défensive, qui était notre gros joueur de ligne défensive qu'on a transféré à l'offensive. Okay. Ensuite de ça, donc j'ai quelques gros bonhommes là, qui sont venus de la France aussi, qui vont nous donner un coup de main sur la ligne offensive. Donc ça devrait être quand même bien. OK. Du côté défensif, on a fait l'acquisition, on en a parlé ce printemps lorsque tu l'as fait, puis là il y avait le camp d'entraînement de Danny Thivierge, un joueur que tu qualifies d'un joueur d'impact. Oh, absolument. Ça a été le MVP avec les Lynx l'an passé. C'est un gars qui s'est entraîné extrêmement fort là, tout l'été, qui a fait le speed camp là, avec Patrice Boudreau. Donc, c'est un gars qui arrive en pleine forme, qui, au point de vue compréhension de football, très, très, très, très bonne compréhension. Je dirais que j'ai quand même plusieurs gars, là, dont j'ai Jérôme Fortin qui revient là, pour une quatrième année, là, qui était mon meilleur joueur défensif l'an passé. Plus deux grosses acquisitions là, sur la D-line, dont Amaury Adjou et Timothy. Deux bonhommes là, de 258 et plus, deux gros D-line de la France. Okay. Ensuite, tout ça, toutes mes linebackers, ça reste les mêmes. J'ai trois vétérans, donc je pense que ça va être quand même bien. Est-ce que, du coup, je vais te poser une question. Les Français, quelle attitude qu'ils ont lorsqu'ils arrivent ici? Est-ce que c'est des jeunes qui sont vraiment sérieux, qui sont assidus au camp d'entraînement et aux pratiques? J'imagine que oui, si tu pars de la France pour venir au Québec, faut que tu sois sérieux, j'imagine. Moi, exactement. C'est sûr qu'eux, quand ils viennent ici, ils ont l'objectif de vivre le football. Puis souvent, ils veulent aller jouer à l'université par la suite. Donc, oui, c'est sûr, j'ai aucun problème au niveau des présences, au niveau de l'assiduité, au niveau de l'entraînement. C'est des gars qui sont sérieux et qui viennent ici pour la bonne cause, donc, pour les études, mais aussi pour le football. Là, donc, okay. c'est une très bonne attitude. Jean-Philippe, si on parlait un peu maintenant de l'affiche. L'année passée, ça a été très difficile. Aucune victoire en 7 défaites. Vous êtes fait enlever la seule victoire contre Drummondville. C'était assez douteux comme décision. J'imagine que cette année, on vise certainement au moins 2-3 victoires, surtout si vous avez réglé le problème de profondeur. Hein. Oui, c'est certain que pour nous, là, on parle pas en victoire de fait. Là, c'est bien important. Là, nous autres, on veut vraiment s'améliorer. On a un groupe jeune, okay. Un groupe très talentueux, mais très jeune. Donc, j'arrive pas avec des objectifs de victoire de fait. J'arrive vraiment avec un objectif de s'améliorer tout au long de la saison. Je pense que si on réussit à faire ça, de devenir une meilleure équipe à tous les jours, à toutes les pratiques, à toutes les semaines, on va finir avec des victoires, là, c'est certain. Je n'ai pas peur pour ça. Okay. Avec un groupe talentueux comme ça, je n'ai pas vraiment peur. Ben Jean-Philippe, on va te souhaiter la meilleure des chances. Ça commence vendredi soir à Jonquière et on va se parler tout au long de la saison. Oui, parfait. Merci beaucoup. Voilà l'instructeur-chef des Janois d'Alma Football, Jean-Philippe Caron-Tremblay.